Ok, Minal, Braco, plus rien à perdre. Écoute, écoute ça, découpe ça. On a plus rien à perdre, on avance même sans boussole. On est plus la France d'en bas, mais la France du sous-sol. Hey. Sans carapace, à découvert j'me ramasse. Normal que j'suis pas à la page, car ton livre est à la masse. Mon gars ne date pas, la rue ne plaque pas. Le son te rattrape et Minal ne te rate pas. Je pars de rien, nada, nothing, wellou. Faut que j'cultive ma langue, même si l'avenir a peu de goût. Sache que j'suis ambitieux, un bon type à côtoyer. T'auras pas d'idées reçues parce que j't'ai rien envoyé. Bélec, Braco Minal, mène une vie de bohème. D'après nos initiales, on roulera bientôt en BM. À quoi bon sert de fuir si la rue te rattrape? Eh oh, eh oh. Et tu sais qu'on a plus rien à perdre. À quoi bon sert de fuir si le son te rattrape? Eh oh, eh oh. Nous les bohèmes, si on les enterre. À quoi bon sert de fuir si la rue te rattrape? Eh oh, eh oh. Et tu sais qu'on a plus rien à perdre. À quoi bon sert de fuir si le son te rattrape? Cherche mon scud sur iTunes. Mon rap ça pète tel un blindé. C'est de la haute coutume. Ok, on mène à la vie dure. Taf l'écriture, tu vaux pas un grain de riz. Motherfucks, I'm not for the bitch. Appelle-moi MC Cherry. Et j'prends du niveau, j'ai le flow d'une Maserati. Ah ouais, c'est commercial, j'm'en bats les couilles, c'est le son du dirty. J'ai la rime dans la peau, les balles au micro, j'élimine pas les vrais mais les faux. Toujours autant de défauts, j'enroule les mots, un putain de flow. Mon majeur en l'air pour mes rivaux, j'accélère dans le rap sans le rétro. J'défouraille pour mes refrains, c'est pour mes hard bouchés, mes négros. Et ouais, gros, une prod de chef qui sert de punching ball. On a tous un objectif, à toi de savoir quel est ton rôle.